Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Loué soit le Seigneur, puissant prophète du Seigneur. Amen, Pastor Joanne. The Lord has spoken with me in a very, very tremendous way. Amen, Pasteur Joanne. Le Seigneur s'est entretenu avec moi d'une manière très, très formidable. About the historic revival that is coming to Nakuru. Sur le réveil historique qui vient à Nakuru. And in this conversation, this past night, et dans cette conversation, cette nuit passée, in fact, around morning time, probably from 3 o'clock down, c'était à peu près le matin, probablement vers 3 heures et plus tard, the Lord again, Jehovah, he visited with me. Le Seigneur, encore, Jéhovah, il a visité avec moi to speak with me once more about the tremendous meeting. Pour s'entretenir avec moi, encore une fois, sur l'énorme rassemblement, the super mega revival that is coming to Nakuru. Le réveil super méga qui vient à Nakuru. And this will be a revival like none other. Et ce sera un réveil comme aucun autre. You could say this will be the mother of them all, the mother of all the big revival meetings. Vous pouvez dire que celui-ci sera la mère de tous, la mère de tous les grands rassemblements de réveil that have happened on this earth, qui se sont passés sur cette terre. That have happened even in this picture. First of all, this will be the biggest gathering of people, approximately 10 million people. Premièrement, ce sera la plus grande réunion de gens, approximativement 10 millions de gens. Everybody that is born again, anybody that is born again will want to be in this meeting. Tout le monde qui est né de nouveau, qui que ce soit qui soit né de nouveau, désirera être dans ce rassemblement. We don't even know what will happen in this meeting. Nous ne savons même pas ce qui se passera dans ce rassemblement. And the things the Lord will do in this meeting, et les choses que le Seigneur fera dans ce rassemblement, we cannot even understand in this life. Nous ne pouvons même pas le comprendre dans cette vie. We cannot even predict so much of what will happen except for what he's showing me in little bit. Nous ne pouvons même pas prédire tellement sur ce qui arrivera, excepté sur ce qu'il me montre un peu and detail here and there. Et qu'il détaille ici et là. Now, this morning, this night, when the Lord spoke with me about this tremendous revival that is coming to Nakuru. Maintenant, ce matin, quand le Seigneur m'a parlé de ce réveil extraordinaire qui vient à Nakuru, I see that I'm in the meeting. Je vois que je suis dans le rassemblement. And when I'm at the meeting, heaven opens and rain comes down into the meeting. Et quand je suis au rassemblement, les cieux s'ouvrent et la pluie descend sur le rassemblement. And the building that I was looking for in South Africa, finally I found that building at this venue. Et le bâtiment que je cherchais en Afrique du Sud, finalement, j'ai trouvé ce bâtiment en ce lieu. And right now, the bishops are still in the process of taking photos and pictures of that building. And tomorrow there's a big meeting of the entire National Council of Bishops. Et juste maintenant, les évêques sont dans le processus de prendre des photos et des images de ce bâtiment. And tomorrow there's a big meeting of the entire National Council of Bishops. Et demain, il y a une grande réunion de tout le Conseil national des évêques. Plus all senior pastors, more than 150 strong tomorrow. Plus tous les pasteurs qui sont en position d'autorité, plus de 150 dès demain. With all those pictures of the building, avec toutes ces images du bâtiment, that I may look at that building because I said, pour que je puisse voir ce bâtiment. Parce que j'ai dit that there is a particular place, there is a specific place the Lord had defined, qu'il y a un endroit particulier, qu'il y a un endroit spécifique que le Seigneur a défini, where there will be the visitation of the open heaven, où il y aura la visitation des cieux ouverts, and rain will come down, a very unique rain, et la pluie descendra, une pluie très unique. And so there is a building that I was looking for. Et donc il y avait un bâtiment que je cherchais, a yellowish, greenish building, un bâtiment jaunâtre, crème. And I even know that one part is a little bit cracked or the wall. Et je sais qu'une partie est un peu effondrée, la paroi. And up on top is step, like a step. Et en haut est un escalier, comme un escalier. Like a step that ascends clockwise. In other words, from left to right. En d'autres termes, de gauche à droite. And that building seems to be the silo. Et ce bâtiment a l'air d'être le silo. Cereal grain silo of Nakuru. Le silo de grains de Nakuru. And this is now taking pictures, is going on now. Et on en prend des photos maintenant. And if the pastors are running up and down to take also the entire building into a poster. Et les pasteurs courent de haut en bas pour prendre aussi tout le bâtiment comme un poster. And the residential quarters beyond it, there is a rising hill I have seen. Et les quartiers résidentiels au-delà, il y a une colline que j'ai vue. Beyond it, residential quarters. Au-delà de ces quartiers résidentiels. And tomorrow there will be a big meeting. Et demain il y aura un grand rassemblement. There will be a big meeting of all the bishops and the pastors to look at that building. Un grand rassemblement de tous les pasteurs et les évêques pour voir ce bâtiment. However, even as I prepare to meet them this night. Même comme je me prépare pour les rencontrer cette nuit. Then the Lord shows me I'm in the meeting. Alors le Seigneur me montre je suis au rassemblement. And heaven opens and rain comes down. Et les cieux s'ouvrent et la pluie descend. I see as if it's getting a little late. It's getting a little dark. Darkness is beginning to come when rain comes. Je vois comme si c'est sur le tard. Ça devient un peu sombre. La nuit commence à venir quand la pluie vient. To this tremendous super mega revival of Jehovah. Sur cet énorme super méga réveil de Jéhovah. So, Nakuru, all the roads. Donc, Nakuru, toutes les routes. All, if this be now the moment at which the Lord has remembered the church. Tout. Serait-ce maintenant le moment où le Seigneur s'est souvenu de l'Église? Then all the roads, all the flights. Alors, toutes les routes, tous les vols. All the nations, all the people, the languages, the tongues. Toute la nation, tous les gens, les langues, les langages. Everybody must be heading to Nakuru. Tout le monde doit se diriger sur Nakuru. Because what the Lord will do in Nakuru, we cannot even understand in this lifetime. Parce que ce que le Seigneur fera à Nakuru, nous ne pouvons même pas le comprendre dans le temps de cette vie. I can only share with you what he is revealing to me now. Je peux seulement partager avec vous ce qu'il me révèle maintenant. But it looks like there is a tremendous storm of a big visitation that will befall the revival meeting of Jehovah in Nakuru. Mais on dirait qu'il y a une énorme provision de la grande visite qui arrivera au rassemblement de réveil à Nakuru. God himself will descend down in Nakuru. Dieu lui-même descendra à Nakuru. And every living being, every person. Et chaque être vivant, chaque personne, que ce soit qui et qui, be it who and who, from whichever nation, color, creed, anything. Quelle que soit la nation, la couleur, le cri, toute chose. You must be in Nakuru. Vous devez être à Nakuru. To be born again and receive Jesus and partake of this historic moment of our time. Pour être né de nouveau et recevoir Jésus et participer à ce moment historique de notre temps. This is going to be the momentous occasion in the church. Ceci va être l'occasion importante dans l'Église. And tomorrow, after meeting the bishops, et demain, après avoir rencontré les évêques, with the big pictures and the banners they are developing right now of that building, avec les grandes photos et les bannières qu'ils développent juste maintenant sur ce bâtiment, and that building I've seen has steps, that silo, Nakuru grain silo. Et ce bâtiment que j'ai vu a un escalier, c'est un silo. Le silo de grains de Nakuru. And it's actually creamish, yellowish like this. Et il est en fait crème, jaunâtre, comme ça. And at the back, surely yes, there is a rising hill with residential quarters on the other side. Et au fond, sûrement, il y a la colline avec les quartiers résidentiels de l'autre côté. So it looks like this is the particular venue I've been looking for globally. Ainsi, on dirait que c'est le lieu particulier que j'ai cherché sur le plan mondial. Where this visitation will take place. Où cette visitation aura lieu. And if this be the case now, then that also speaks about this tremendous, unspeakable love. Puis cela parle aussi de cet énorme amour indescriptible. That the Lord is bestowing upon Kenya. Que le Seigneur accorde au Kenya. The disposition of great favor and love from the upper chambers of God. La disposition de grande faveur et d'amour de la chambre haute de Dieu. That have now tilted towards Kenya. Qui s'est maintenant penché vers le Kenya en cette heure. Et chaque nation voudra être à Nakuru pour participer à cette occasion historique et importante dans l'histoire de l'Église. Et donc, demain encore, je reviendrai à vous. After meeting all the entire council of bishops, après avoir rencontré tout le conseil des évêques, and more than 150 strong senior pastors, et plus de 150 forts pasteurs importants, with that building, the pictures of that building and the narrative of everything, avec ce bâtiment, la photo de ce bâtiment et l'histoire de toutes choses, will be brought to you. However, vous seront amenés, cependant, as I was preparing for that meeting tomorrow, comme je me préparais pour ce rassemblement demain, the council meeting, le rassemblement du conseil, this morning, this night beginning 3 down, ce matin, cette nuit, en commençant à 3 heures et plus tard, the Lord showed me I'm in the meeting and rain comes down. All heaven opens and rain comes down in that meeting. Le Seigneur me montre, je suis au rassemblement et la pluie tombe. Les cieux s'ouvrent et la pluie tombe à ce rassemblement. So blessed are the ears that hear these words. Donc, bénis soient les oreilles qui entendent ces paroles and know that the last glory is here. Et qui savent que la dernière gloire est là. We did not phantom. The Bible never gave us the detail. La Bible ne nous a jamais donné les détails. The script on the detail, the stripes of the revival were never revealed. Le scénario sur les détails, les marques du réveil n'ont jamais été révélées. It simply said the latter glory would be greater than the former glory. Il est simplement dit que la dernière gloire sera plus grande que la première gloire. That the latter rain would be greater than Pentecost. Que la dernière pluie sera plus grande que Pentecôte. Those things he said in Haggai chapter 2 verses 6 to 10. Ces choses sont dites dans Haggai chapitre 2 verses 6 à 10. He also said them in Joel chapter 2 28-32. Il les dit aussi dans Joël chapitre 2 28-32. And he said, he shall pour his spirit, the glory will be greater. Et il dit, il répondra à son esprit, la gloire sera plus grande. But now we are beginning to understand that the authority of that glory. Mais maintenant, nous commençons à comprendre que l'autorité de cette gloire would be greater, the righteousness, the authority of its righteousness would be greater. Sera plus grande la justice, l'autorité de cette justice sera plus grande on the stripes, the specific identities. Sur les marques, l'identité spécifique. The things to look forward to, les choses que nous cherchons aussi, that we may know now we have entered into that final revival before the Messiah comes. Pour que nous puissions savoir que maintenant nous sommes entrés dans ce réveil final avant que le Messie vienne. However, in this process now of the disposition of love, cependant, dans ce processus maintenant de cette disposition d'amour, the tremendous outpour from heaven, l'effusion extraordinaire des cieux, the tremendous glory that is bestowed on the church now, la gloire extraordinaire qui a été dite à l'Église maintenant, Now we are beginning to see the writing of the script. Maintenant, nous commençons à voir l'écrit du scénario. The script on the specific detail of the identity of this revival is now being revealed. Le scénario des détails spécifiques de l'identité de ce réveil a maintenant été révélé. Not just that many cripples now are walking. Non pas juste que beaucoup d'infirmes maintenant marchent. That is part of the script. Ça fait partie du scénario. Many blind can see part of the script. Beaucoup d'aveugles peuvent voir. Ça fait partie du scénario. Many deaf can hear in batches, in bulk. Beaucoup de sourds peuvent entendre en groupe. Many have seen bulk, huge numbers of cripples walking in that meeting. J'ai vu un énorme nombre d'infirmes marcher dans ce rassemblement. Huge numbers of blind eyes open. Un nombre énorme d'yeux aveugles ouverts. Huge numbers of lame legs strengthened and straightened, pulled. Un nombre énorme de jambes boiteuses étirées et fortifiées. Also, and created columns of legs increased. From the lame and they are walking. Huge numbers of deaf hearing. Un grand nombre de sourds qui entendent. Huge numbers of those who are dumb speaking. Huge numbers of paralytics get up and walk and stretch their limbs again, and the blood flow enter their limbs again, and bend and run and jump for the Lord. I've seen HIV healed in large numbers. I've seen blood conditions, leukemia, diabetes, hypertension, all these diseases being swept out, including every liver disease, hepatitis. I've seen the Lord clean up blood conditions, restore internal organs, create internal structures in the organs of people. This Nakuru is going to be big, drying of wounds. The leprosy is healed. I've seen tremendous. I've seen some people vomit tumors, that kind of thing. I don't know whether it burst. It looks like it burst. Yesterday showed me, I think, a tumor that popped out. It literally bursts out. So tremendous things will take place in that meeting. Now, all these I have said, together with millions of people returning to Jesus and pursuing righteousness, embracing holiness. These are the scripts of the revival, the latter revival, where the Bible went silent. And so if the Bible were to be written to say that if you see these things, then you know you have entered that revival, it would be millions of people running to the Lord, running to righteousness, being baptized. It would be many cripples being healed in bulk, in huge numbers. Many blind seeing in large numbers. Many lame walking in large numbers. Physically, the Lord touching hands and legs and stretching and putting the feet down and strengthening them like he did in the French Guiana. And it would be the deaf in large numbers, the blind in large numbers, the mute in large numbers, wounds in large numbers, internal organs, creating eyes, legs, words, creating everything. Now, these are the scripts of this revival. This is what the Bible did not write to us about. The Bible, however, says it will be greater. But now we are seeing that we are the generation, the scholarly generation, the generation that now writes the script of this revival, defines it, and if it were to be inscribed in anything or any scroll, then your experiences in your healing, in your visitation, in the open heaven, in the cloud of glory, in the tremendous columns that cover his servant in the meeting. Now, those would be the writings of this revival. So blessed are the ears that get to hear this. And tomorrow I'll get back to you after meeting the council of bishops and 150 strong senior pastors regarding the latter glory that will befall in Nakuru at the Menengai area where we are meeting in Nakuru. More than 110 acres. History is being made today. Those are the scripts of this revival. So may the Lord bless the ears that listen to this, that you may prepare and know that behold, the Messiah is at the door. He is coming. Shalom.